J'me regaine comme à l'époque de la reine. Le faux va toujours, les crocs et sourit. Plus trop à l'envers, non. Plutôt à l'endroit, ouais. J'finirai moins pourri. Eh ma gueule, j'me sens mieux, mais j'ai pas dit que j'sentais bon. Et la nuit c'est vite fait, j'côtoie toujours mes démons. C'est toujours la routine, trop. Sentiment ma bimble, blême. Tu auras résoudé, des jeans dans le casting. Stand pain, caché dans la V. J'ai envie de ken, ou Yoku, j'ai mis les chaînes. Chienne. Bouge ton boule, mon glee n'a pas le time. Avant tu l'aimais moins, aujourd'hui toi pas de taille. Rail, hein. J'ressens les épines. J'descends la pente, j'fais l'avion comme Paoletta. Il nous en faudra plus pour courber les chiffres. Dès que tu diras Endalson, tu me reconnaîtras. Ouais, ouais. Tous les jours abonnés. Toujours ce passé qui se colle à mon perche. Pourtant perché dans mon coin, on me reconnaît. Que ce soit Babtou, Black, Rebenoît, Choukesh. Yes, check. Prends pas pour un dieu. Staff, comme toi, fais des tours le 22. Taf, taf. Voilà, mis c'est dingue. À croire que l'amitié s'arrête à 1000 Arrête jouer les singes. Tu parles beaucoup pour un mec qui sait où on habite. Bluff, peace. J'ai rêvé de ces lâches. Je me réconforte en me disant que j'ai jamais rêvé de ce cash. Ouais, je vis. Je survis et je révise mon âme. Je me dis que la connaissance est la meilleure des armes. J'essaie d'ouvrir mon cœur. Chelou comme ça fait peur. Et je surmonte mes épreuves. Je les kiffe, je les embrasse, je les abreuve. Toujours au départ. Jamais sans les miens, jamais sans ma haine, bref. Bientôt je vais dessouler. Bientôt une année de plus, pas de mal à la souffler. Euros dans la valise, cube propre, langue propre. Toujours les tiens qui se salissent. J'ai le flow d'arbre au bout de Kuta à Ubud, yeah. C'est l'emgar coucou, ouais, puta, j'suis fou fou, yeah. Et j'roule à gauche, oui. Et j'roule à gauche. Appelle-moi Mowgli. J'ai le flow d'arbre au bout de Kuta à Ubud, yeah. C'est l'emgar coucou, ouais, puta, j'suis fou fou, yeah. Et j'roule à gauche, oui. Et j'roule à gauche. Appelle-moi Mowgli. Avant j'étais dans le trou, avant j'étais dans le vide. Et personne n'a sauté pour moi pour chercher ce liquide. J'ai pas besoin de fit, pas besoin d'équipe. J'ai quelques frères sincères qui m'envient pas pour ce liquide. Les autres je leur en veux pas, avant j'étais quand même. Quand tout ce que je voulais c'est que tu fumes un putain de bœuf. Ce que tu penses de moi, ego je m'en bats les couilles. Et ma putain de haine se réveille juste un peu. C'était la coco, moi c'était shit la bœuf. Ramasser tous les gueux, j'ai tous les. Puis on a pris les œufs, tout investi dans le jeu. Ce putain de game a redressé ma putain de queue. Game. Tu nous aimes pas, toi ton âme sur ma bite. Game. Plein d'ennemis savent où j'habite. J'vis ma vie de rockstar. Pendant une semaine, je traîne tard le soir. J'suis fonce à la jack et j'm'en bats les couilles. Viens rentrer des groupies. J'me transforme en rockstar. Elle nous voit en 3D, moi je suis défoncé, je m'en bats les couilles. Je tords la mine, tard le soir dans la nuit, très loin de Paris, je m'en bats les couilles. Toi fais fumer sur la Niax, sers-lui un autre verre de Jack. 9h du mat, le sunrise, mais je m'en bats les couilles. J'ai le flow d'arbre au bout de Kuta à Ubud, yeah. C'est l'emgar coucou, ouais puta, j'suis fou fou, yeah. Et j'roule à gauche, oui. Et j'roule à gauche. Appelle-moi Mowgli. J'ai le flow d'arbre au bout de Kuta à Ubud, yeah. C'est l'emgar coucou, ouais puta, j'suis fou fou, yeah. Et j'roule à gauche, oui. Et j'roule à gauche. Appelle-moi Mowgli.